Fallait que je te dise, dans ce milieu y'a que des fils. Y'a des vicieux qui te feront la bise. J'ai dû faire des choix, ils m'ont tous blessé, tu sais. Ah là là, je leur ai fait du bien, ils m'ont tous laissé tout seul. Ah là là là, j'ai esquivé des trucs de fou, j'ai traversé les flammes. L'année prochaine, je bouge vers Cuba. Ah, laissez-moi loin de tout, faut que tu voyes mes fans. Je veux plus voir les héros des putas. Ah, j'ai ma ticket à côté, c'est mon bijou, c'est ma boîte. On se fait des bisous sur la photo, à deux en moto sur la côte. J'suis de la team depuis Anissa, j'raconte ma vie, j'ai dit vrai. Mais y'a des choses que je dis pas, moi j'aime jamais délirer. On est fait d'arrêt platine, on n'en fait pas des tonnes. Maintenant rien nous étonne, toujours notre méthode. Rester debout c'est pas facile, ouais c'est Dieu qui donne, ouais c'est Dieu qui reprend, on veut croquer le monde. Rester debout c'est pas facile. Depuis cross-volé, j'suis dans la team. Y'a des jaloux dans le rétro. Et d'après eux, moi j'en fais trop. J'm'en fous des traîtres, ils savent pas chez qui ils m'aiment. J'ai changé, mais j'suis la même. J'vais tout prendre, j't'assure maman. J'm'en fous des traîtres, ils savent pas chez qui ils m'aiment. J'fais des sous, c'est sûr, j't'emmène. J'vais tout prendre, j't'assure maman. J'ai ma ticket à côté, c'est mon bijou, c'est ma boîte. On se fait des bisous sur la photo, à deux en moto sur la côte. J'suis de la team depuis Anissa, j'raconte ma vie, j'ai dit vrai. Mais y'a des choses que je dis pas, moi j'aime jamais délirer. On est fait d'arrêt platine, on n'en fait pas des tonnes. Maintenant rien nous étonne, toujours notre méthode. Rester debout c'est pas facile, ouais c'est Dieu qui donne. Oh, c'est Dieu qui reprend, on veut croquer le monde. Tout est dans le platine, on n'en fait pas des tonnes. Maintenant rien nous étonne, toujours notre méthode. Rester debout c'est pas facile, oh, c'est Dieu qui donne. Oh, c'est Dieu qui reprend, on veut croquer le monde. On est fait d'arrêt platine, on n'en fait pas des tonnes. Maintenant rien nous étonne, toujours notre méthode. Rester debout c'est pas facile, ouais c'est Dieu qui donne, ouais c'est Dieu qui reprend, on veut croquer le monde.